Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre 2020 et je vais continuer à vous raconter par le menu ma petite vie personnelle et aujourd'hui professionnelle. Je vais vous parler d'une très belle expérience que j'ai vécue dans le secrétariat international de la laine, qui avait ses bureaux à Neuilly, et dont la mission était de faire la promotion du label Woolmark. J'ai vécu cette expérience entre 1974 et 1976. Alors, que se passait-il dans le SIL, secrétariat international de la laine? Eh bien, ce secrétariat a été créé à l'échelon international par les lainiers et autres éleveurs de moutons d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud et même un peu de France, qui ont souhaité consacrer 10% de leur chiffre d'affaires, les chiffres d'affaires concernant la laine et les tontes de moutons, donc 10% de leur chiffre d'affaires pour créer un label et le label Woolmark. Alors pourquoi ça? Eh bien parce qu'à l'époque, les fibres textiles synthétiques commençaient à prendre le pas sur les fibres naturelles. Hier, on connaissait la laine, on connaissait le coton, on connaissait la soie, mais petit à petit, à l'après-guerre, les fibres synthétiques ont commencé à prendre le dessus. Et très naturellement, eh bien, la laine et les lainiers et les éleveurs de moutons ont souhaité, eh bien, reprendre la main. Pour ça, ils ont consacré 10% de leur chiffre d'affaires. 10% de leur chiffre d'affaires pour lancer un label, le label Woolmark, qui devait faire la promotion de tous les vêtements en laine. Alors, comment était organisé ce secrétariat? Nous disposions déjà d'un budget de 3 milliards de francs, ce qui était considérable pour l'époque. Ces 3 milliards, eh bien, ont été divisés par 3. Un tiers pour le prêt-à-porter masculin, un tiers pour le prêt-à-porter féminin et un tiers pour le textile d'ameublement. Ces 3 milliards sont devenus, pour chacun des promoteurs, eh bien, sont devenus 1 milliard que nous nous sommes partagés. Pour ma part, j'avais en charge le prêt-à-porter féminin. Et mettre en avant ce prêt-à-porter, j'avais 6 mannequins femmes. Mannequins pour lesquels j'organisais des défilés de mode. Mon collègue du prêt-à-porter masculin avait 6 mannequins hommes. Eh bien, lui comme moi, eh bien, nous avons petit à petit, pendant ces 3 ans, lancé ce label. Alors, comment procédons-nous? Il fallait d'abord que ce label soit pris en compte par les industriels du prêt-à-porter. Ce qui fait que j'ai eu pour ma part l'occasion de visiter les grandes maisons qui étaient Yves Saint Laurent, qui étaient Chanel, qui étaient Karl Lagerfeld, Dolce Gabbana, Sonia Rykiel, voire Cacharel et Agnès B. Avec ces grands noms qui ont tout de suite pris fait et cause pour notre label, eh bien, ces grands noms ont fabriqué des vêtements en pure laine. Alors, tant pour faire la promotion en amont chez les industriels, je devais également faire la promotion en aval, dans les grands magasins et les magasins du prêt-à-porter féminin des grandes villes de France, de belles maisons On n'allait pas chez le petit distributeur du coin, mais chez le magasin qui faisait vraiment la promotion du prêt-à-porter féminin et qui représentait et acceptait dans ses collections le label Woolmark. Avec cela, avec ces commerçants, nous avons organisé de très jolis défilés. Il était question de mettre en avant la laine, et nous avions de l'argent pour le faire. Et donc, il nous est arrivé de louer des châteaux de la Loire, des châteaux Renaissance, à Blois, la ville de Blois, dans ce magnifique château. Nous avons organisé un très beau défilé de mode, pour les hommes et pour les femmes. On faisait descendre nos mannequins, ils étaient une douzaine, cet escalier en colimaçon qui orne bien la façade du château de Blois. Ensuite, les mannequins, après avoir descendu ce bel escalier, eh bien, montaient dans de vieilles voitures, faisaient le tour du château dans leurs vieilles voitures, et puis revenaient, et ainsi de suite, présentaient des nouveaux vêtements. J'ai eu l'occasion aussi d'organiser quelque chose d'intéressant, toujours pour faire la promotion de la laine, mais cette fois-ci la promotion des moutons. Un beau jour, je me promenais, promener, façon de parler, j'étais en voiture, et sur une petite route du côté de Lyon, et me voilà à suivre un troupeau de moutons qui m'empêchait de passer, bien sûr, il y en avait beaucoup, et ces moutons partaient pour la transhumance et allaient dans les Alpes et dans les alpages pour nourrir leurs bêtes. Alors là, j'ai eu l'occasion, suivant bon an mal an ce troupeau de moutons, eh bien de discuter avec les pâtres qui coordonnaient la bonne marche de ce troupeau. Et, me plaignant auprès d'eux que les choses n'avançaient pas, ils me disaient « oui, c'est normal, parce que si on passe par là, c'est qu'on ne peut plus faire comme avant. » Et alors, qu'est-ce que vous faisiez avant? Eh bien, la nuit, on faisait passer nos troupeaux dans le centre-ville de Lyon, ce qui nous faisait un raccourci considérable. Ah! À cette époque-là, j'avais une connaissance à la mairie de Lyon, justement. Et il s'est trouvé que j'ai interpellé cette personne en leur expliquant les problèmes qu'avaient les pâtres et les éleveurs de moutons pour faire leur transhumance, en lui demandant si je pouvais faire passer cette transhumance dans le centre-ville de Lyon. Voilà une belle occasion de montrer des moutons aux gens et de faire la promotion de mon label. Alors, autorisation m'a été donnée et je suis retourné voir mes éleveurs, et cette fois-ci dans les alpages, en leur disant que pour le retour au bercail, les moutonniers et leurs moutons pourraient passer dans le centre-ville de Lyon, puisque j'avais eu l'autorisation. Aussitôt dit, aussitôt fait, le retour de la transhumance passe par le centre-ville de Lyon, et centre-ville de Lyon, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est notamment la place Bellecour. Alors la place Bellecour, aujourd'hui je ne sais plus comment les choses se passent à Lyon, ça fait très longtemps que je n'y suis pas retourné, mais à l'époque, la place Bellecour était une place ronde environ, et avec un certain nombre de commerçants, mais de belles maisons. Commerçants de luxe, luxe dans le prêt-à-porter bien sûr, mais luxe dans la bijouterie, luxe dans la fourrure, voilà. Donc, voit-il pas que mes moutons passent par la place Bellecour, et puis pour donner un peu de piquant à l'affaire, les moutonniers ont laissé un petit peu la bride sur le cou à quelques bêtes qui sont rentrées dans ces magasins. Alors je ne vous dis pas comment un mouton, quand il se retrouve chez un fourreur, peut se noyer dans toutes ces bêtes et commencer à rentrer dans l'arrière-boutique et à mettre un joyeux bordel. Et voilà, ces moutons, bon an, mal an, ont passé la place Bellecour, mais j'avais prévenu quelques journalistes qui étaient là pour raconter un petit peu l'histoire de cette transhumance en pleine ville et du petit foutoir organisé par les moutonniers qui lançaient leurs moutons dans les beaux magasins du centre-ville de Lyon. Voilà une belle occasion de faire passer ce message, ce label, et j'avoue que même si j'ai eu quelques reproches de la part de la municipalité, j'ai eu quelques remerciements de la part des moutonniers qui ont gagné beaucoup de temps en passant par le centre-ville de Lyon. Et puis la presse, eh bien, nous a fait les gros titres et nous a permis de donner une bonne visibilité au label Woolmark. Alors, il se trouve qu'à cette époque-là, je disposais d'une voiture qui me permettait de rencontrer tant les industriels. Là, on était essentiellement dans le nord de la France, les industriels qui mettaient en avant la laine, les belles maisons de prêt-à-porter en France, dans toutes les grandes villes, ce qui m'occasionnait de rouler en voiture pendant environ 100 000 km par an, ce qui n'était pas une affaire à l'époque. Et puis, je disposais d'un très beau budget pour ma restauration et mon hôtel. Et je me souviens qu'à l'époque, 1974, je disposais de 100 francs par jour pour me nourrir en restauration et 100 francs pour dormir dans des beaux hôtels. Ce qui était assez considérable, 200 francs de frais remboursés par jour pour mes déplacements. C'était quelque chose de très très bien. Alors, disposant de budgets intéressants, eh bien, j'ai eu l'occasion de fréquenter toutes les belles maisons du guide Michelin, d'aller chez Trois Gros, d'aller chez Bocuse, d'aller chez Pierre Gagnère, chez Eberlin à Hillerhausen en Alsace, etc. etc. Voilà, ça, c'était de très bons souvenirs. Ça m'a permis de connaître la France, que je n'avais pas eu trop l'occasion, dans laquelle je n'avais pas trop l'occasion de voyager. Un autre bon souvenir, ça a été de contribuer à gagner le Grand Prix de l'affichage. Chaque année en France, eh bien, un jury donnait à ceux qui leur faisaient parvenir de belles photos pour faire de très belles affiches. Et en 1975, nous avons gagné le Grand Prix de l'affichage avec une photo d'un troupeau de moutons sous la forme qui a pris la forme de pelotes de laine. Alors comment les choses se sont passées ? D'abord, on était en Auvergne, sur une petite colline, surplombant notre troupeau de moutons qui paissait tranquillement. Sur ce pâturage, nous avons matérialisé notre pelote de laine avec un couloir de fil électrique à travers lequel nous avons fait passer nos moutons qui était cantonné entre deux fils électriques de chaque côté de leur corps et qui avançait tranquillement pour construire ce cette pelote de laine stylisée et ce troupeau matérialisant la pelote de laine, eh bien, ces moutons en pleine Auvergne nous ont permis de gagner ce grand prix de l'affichage. Voilà, ça c'était des très beaux souvenirs, des très belles réalisations. On avait le temps, on avait de l'argent et on a pu construire ainsi la promotion de notre label et lui donner un vrai corps à une époque où il en avait vraiment besoin. Voilà, sinon, en conclusion aussi, je vais vous dire que le 26 octobre 1975, j'ai divorcé avec Jacqueline. Jacqueline avec qui j'avais passé des bons moments et avec qui nous avons conçu notre fille Caroline. Et voilà ce qui s'est passé le 26 juin 1975. Un divorce que j'ai considéré comme un échec regrettable, dont j'avais ma part de responsabilité. Mais bon, voilà, c'était la fin de mon petit épisode des années 74, 75, 76. Et là, je vais arrêter mon petit podcast et vous souhaiter un bon... j'espère que je vous ai fait profiter de cette expérience qui n'était pas banale, qui m'a ouvert les yeux sur la France, sur une vie professionnelle riche et avec des producteurs de moutons combatifs pour récupérer des parts de marché sur le prêt-à-porter, dans le prêt-à-porter, également dans le tissu d'ameublement. Et voilà, les choses se sont passées ainsi. Et c'est ainsi que je les ai vécues. Et puis, j'ai encore autre chose à vous dire à propos de ce quotarien international de la laine. Dans les années 2000, j'ai commencé à construire ma retraite et à faire le point de tous les employeurs que j'avais eus tout au cours de ma vie professionnelle. Et pour reconstruire cette retraite, avoir des dates, avoir des chiffres, etc., j'étais amené à rappeler le secrétariat international de la laine. Et là, je suis tombé sur quelqu'un avec qui j'ai parlé pendant... c'était un entretien assez bref. Et à qui j'ai expliqué que j'avais contribué à lancer le label Woolmark au sein de son entreprise. Ah, il me fait, c'est vous, Black Belair. Qu'est-ce que vous avez dû avoir du bon temps. On retrouve encore dans nos archives plein de vos défilés, plein de vos travaux, et vous avez dû avoir vous avez dû avoir plein de bon temps. Et je suis très content de vous avoir au téléphone, très ému, parce que vous étiez un de nos prédécesseurs, un de nos éclaireurs dans le lancement de ce label. Et je vous remercie. Voilà, moi aussi, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous souhaite à une...